les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Ils connaîtront alors mon frère. Ici-bas, c'est le prix. Oh, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère.